suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio coups humains, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, depuis Lucie, 3 millions d'années d'humanité, une série de Franck Bessière réalisée par Assia Khalid. Au départ de cette série, il y a des fossiles, des os et cette question, comment l'être humain est-il devenu ce que nous sommes et qu'est-ce qui nous définit ? Alors pour commencer, les personnages. Un paléo-anthropologue qui va plus loin, une autre et ses mandibules, une paléo-anthropologue qui raconte la cuisson, un linguiste et ses hypothèses, une archéologue face aux outils et un géologue sur une falaise. Ensuite, le décor. Des arbres à fleurs, des branches, des mains, le froid, la sécheresse, l'adaptation, des molaires, des singes sans queue, du feu, des graines, l'Afrique, des poubelles, des os et de la chasse. Aujourd'hui, premier épisode, on voyage dans le temps. L'aventure de l'humanité a commencé il y a 3 500 000 ans en Afrique orientale. C'est là que depuis 1960 se sont succédées les découvertes de notre ancêtre le plus lointain, l'Australopithèque. Taille 1m10 à 1m40, tête enfoncée dans les épaules, face écrasée. Il marche debout, commence à tailler des outils, de simples galets éclatés, et puis surtout, il sait survivre dans un milieu hostile. Un humain, c'est un être vivant du monde des primates, au même titre que les autres, et dont les circonstances d'adaptation, les circonstances de survie, ont fait que, par chance, c'est le développement de son cerveau qui a fait son caractère le plus important. Au lieu de réfléchir simplement et directement à quelque chose, il a réfléchi comme dans un miroir. Il a eu la réflexion, le retour de l'information en quelque sorte. Ce qui lui a donné tout d'un coup la prise de conscience de lui-même, la prise de conscience de l'autre, la prise de conscience du milieu et la prise de conscience de la mort qui est tout à fait essentielle. Et si bien que pour moi, l'homme est homme dès qu'il est homme, c'est-à-dire qu'il a tout de suite ses qualités humaines. Et je crois que le tout premier homme, il a déjà ses facettes intellectuelles, il a ses facettes techniques. Il a ses facettes spirituelles, sûrement, et pourquoi pas éthiques et pourquoi pas esthétiques. Il y a une part de hasard, une part de chance, mais surtout une grosse part de travail. C'est parce qu'on a découvert le milieu de Lucie qu'on a dit qu'il y a peut-être là aussi des premiers hommes. On a pensé à un moment donné qu'elle ne pouvait pas être l'ancêtre de l'homme puisqu'elle se trouvait contemporaine de l'homme. Or, aujourd'hui, on vient de s'apercevoir, après l'avoir étudiée, qu'elle est beaucoup mieux, qu'elle est probablement l'ancêtre des Australopithèques et des hommes. C'est-à-dire qu'on peut l'appeler presque Ève. Depuis Lucie, 3 millions d'années d'humanité. Qu'est-ce qu'un humain ? On l'appelle l'homme avec un H majuscule, ou plutôt l'humain, car les majuscules ne sont pas sonores. L'humain. Cet animal si particulier. Retraçons l'histoire de cette humanité, du premier homo à celui d'aujourd'hui, créateur de l'intelligence artificielle et du transhumanisme. Mais au-delà de parcourir ces milliers d'années, nous partirons au cœur de ce qui a fait l'humanité. Pour la comprendre, commençons par le début, il y a 2,8 millions d'années. Pourquoi les archéologues ont-ils fait du fossile éthiopien Ledi Geraru le premier du genre homo ? Qu'est-ce qui le différencie des australopithèques contemporains trouvés à seulement quelques kilomètres de là ? Est-ce l'outil qui nous permet de catégoriser l'hominine en humain, son cerveau, ou encore pouvons-nous définir une morphologie de type humaine ? En 4 mois, la petite cousine Lucie a eu 100 000 admirateurs. Elle a 3 millions d'années et on peut la rencontrer au Musée de l'Homme à Paris. C'est sans doute la première fois qu'une exposition de ce genre a un tel succès. Elle se prolongera donc jusqu'au 2 janvier 1978. Il faut dire aussi qu'elle pose des questions essentielles. D'où vient l'homme ? Quelle est son origine ? Pour le savoir, il faut suivre la femme, bien sûr, la petite Lucie. Je vais vous embêter, pour commencer. Je vais vous raconter ce qui s'est passé avant. Yves Coppens, Lucie. Paléo-anthropologue. La vie a démarré sur la Terre, a débuté sur la Terre, autour de 4 milliards d'années. Et puis cette vie a toujours bougé, elle s'est toujours adaptée aux différents environnements, et comme elle s'est adaptée aux différents environnements, elle s'est diversifiée considérablement tout de suite. Elle a passé ainsi 3 milliards 500 millions d'années dans l'eau, et à partir de 500 millions, autour de 500 millions d'années seulement, sur la terre ferme. Et dans cette grande histoire, on voit apparaître autour de 70-80 millions d'années ce que l'on appelle les primates. Et ce sont des mammifères qui se sont adaptés à un milieu nouveau, qui est un milieu d'arbres à fleurs. Et ça veut dire que ces animaux-là, ces êtres-là, se sont adaptés à l'arboricolisme, au grimper, et ils vont acquérir dès ce moment-là l'opposabilité des pouces et des doigts de la main pour saisir les branches, pour saisir les arbres, pour mieux grimper. À ce moment-là, d'ailleurs, le pied avait cette même opposabilité. D'autre part, ces gens, pour la première fois aussi, ont des yeux en façade. Au lieu d'avoir les yeux sur les côtés, ils ont les yeux en façade. Et les yeux en façade, ça donne une vue stéréoscopique, ça donne une vue en trois dimensions. Et là aussi, c'est important pour sauter d'une branche à une autre, ça va de soi. Et par ailleurs, comme la meilleure vue a entraîné une moins bonne audition, se développe le cerveau pour compenser l'adaptation, c'est ça. Hein, c'est pas la bestiole, évidemment, qui décide, mais c'est la sélection naturelle qui s'installe. Et le développement de ce cerveau entraîne une vie sociale plus grande. Autrement dit, on commence à avoir besoin des autres pour voir s'il n'y a pas un mauvais ennemi, un mauvais prédateur derrière soi, au moment où on n'entend pas et on voit bien devant, mais on ne voit pas derrière, on ne voit pas sur les côtés non plus. Pour moi, la grande date dans notre histoire, c'est 10 millions d'années. Parce qu'à 10 millions d'années, existent probablement les ancêtres communs des grands singes, chimpanzés, et des humains. On sait bien qu'on est très parents, très proches des chimpanzés et des bonobos. Et donc, on a donc des grands-parents communs, et ils sont là à ce moment-là, 10 millions d'années. Ça s'appelle le Miocène supérieur. Et à ce moment-là, la Terre probablement prend une autre inclinaison sur son axe de rotation, et ça entraîne un grand coup de froid dans les pôles, pôle nord, pôle sud, et ce mouvement-là va entraîner un grand coup de sécheresse sous ces tropiques d'Afrique. Et ce grand coup de sécheresse va obliger les grands primates qui sont là à ce moment-là, nos ancêtres communs, à s'adapter. Qui est notre dernier ancêtre commun avec les chimpanzés? Eh bien, là, il y a quand même pas mal de monde qui frappe à la porte. Pascal Pic, paléo-anthropologue. À l'heure actuelle, dans l'état actuel des connaissances, il y a bien sûr Toumaï qui est le mieux placé. Il vient du Tchad, il date de 6-7 millions d'années, plus proche de 7 millions d'années d'après la dernière datation. Et maintenant, il y a aussi Ardipithecus qui, lui, se retrouve donc du côté de l'Éthiopie, Kadaba, Ardipithecus Kadaba. Alors lui, il est étonnant parce qu'il marchait debout. Donc c'est pour ça qu'on l'a mis sur la famille exclusivement humaine, la branche humaine, mais son crâne plutôt le met du côté donc des chimpanzés. Alors ces préhumains, curieusement, se sont mis debout. Leur adaptation à un monde qui était à la fois forestier et désormais ouvert, ça a été le redressement du corps. Et redressement du corps pour manger d'autres choses à terre, en l'occurrence des racines, des tubercules, et pour continuer à manger des fruits en l'air. Autrement dit, ces gens-là sont debout, ils sont bipèdes, mauvais bipèdes, hein, ils ne marchent pas bien, mais quand même, ils sont bipèdes, et ils restent arboricoles. Ils marchent et ils grimpent. Et on verra que des millions d'années après, Lucie fait la même chose. Hein, ça n'a pas trop bougé de ce côté-là, sauf qu'elle marche mieux et elle grimpe moins bien. Nom latin. Australopithecus, c'est le nom de genre. Afarensis, c'est le nom d'espèce. Nom d'usage. Lucie. Birkinesh, en Éthiopie. Période de vie en années. L'espèce a pu durer un petit million d'années. Date d'extinction. 2 900 000 ans. Taille moyenne. 1m20. Taille du cerveau. 420-430 cm3. Répartition géographique. Probablement l'Afrique orientale, c'est-à-dire Éthiopie, Kenya, Tanzanie, Malawi, peut-être au-delà. Particularité. Charmante. Le plus ancien humain actuellement est daté de 2,8 millions d'années et c'est une demi-mandibule, donc la mandibule c'est la mâchoire inférieure. Sandrine Pratt, paléo-anthropologue. Et les auteurs ont pu déterminer que c'était un humain à cause de ses caractères, notamment la morphologie, donc la forme de la prémolaire, également des molaires et de la mandibule en général. Vous l'avez dans les mains, là, vous pouvez me décrire un petit peu à quoi ressemble cette mandibule ? Donc cette mandibule, on sait que c'est un adulte parce qu'il y a des prémolaires et les trois molaires, notamment donc la dent de sagesse. On peut constater que la mandibule, les bords supérieurs et inférieurs sont parallèles et donc ça permet également de dire que c'est un humain. Ce n'est plus un australopithèque, c'est un humain juste pour une histoire de dents. Sur cette mandibule, en effet, c'est des caractères dentaires qui vont être prépondérants et on peut voir sur les molaires des caractères qui sont spécifiques au genre homo et notamment cette morphologie donc de la prémolaire. Pour les humains, les prémolaires sont symétriques, c'est-à-dire que vous avez deux petites, ce qu'on appelle des cuspides, deux petites bombements symétriques. En revanche, chez les australopithèques, notamment à Pharynxis, la morphologie de la prémolaire n'est pas symétrique. Donc dans les mains, là, actuellement, vous avez un crâne d'humain. Alors, on est sûr que c'est un humain ? Oui, alors là, on a même attribué à une espèce en particulier qu'on appelle Homo habilis, et on est sûr que c'est un humain à partir des caractères morphologiques, notamment ce front qui est relativement bombé. Vous avez une face qui est plutôt droite. Donc pour habilis, le bas de la face est légèrement avancé, mais globalement, les premiers hommes ont une face relativement droite. En termes de capacité crânienne également, là, on est entre 600 et 800 cm3 pour les Homo habilis. Pour d'autres espèces, on est un peu plus grand. Il faut savoir que l'homme actuel, on est entre à peu près 1400 cm3, mais ça permet de les distinguer des australopithèques ou des paranthropes. Au même moment, nous voyons différents singes sans queue, nous les humains et les paranthropes. Mais finalement, qu'est-ce qui nous différencie vraiment ? Ah bah, de toute façon, on est des primates, hein. Même nous, Homo sapiens, on fait partie de la famille des primates, donc il n'y a pas de souci. Nous sommes des singes sans queue, ce sont des singes sans queue, les paranthropes sont des singes sans queue, on est tous des primates. Donc c'est sûr que plus on va remonter dans le temps, plus on va avoir des caractéristiques qui vont être proches de l'ancêtre commun entre les chimpanzés et l'homme actuel. Mais pour les paranthropes, ce qui est intéressant, même pour les premiers hommes, c'est qu'il y a une diversité des espèces. On a plusieurs espèces en même temps, ce qu'on appelle un buissonnement d'espèces. Donc à la fois de premier homme et en même temps de paranthropes, donc qu'on appelait avant australopithèques robustes, et qui eux ont une morphologie très différente, avec une crête sagittale, c'est-à-dire une crête au-dessus de la tête, une morphologie très robuste, c'est pour ça qu'on les appelait australopithèques robustes, qui montre qu'ils avaient un système masticateur très puissant. Et ils ont vécu exactement au même moment, et parfois dans les mêmes endroits que les premiers hommes. En fait, nous, pour définir différentes espèces, on va regarder les caractères morphologiques et également les données métriques. Et à partir du moment où il y a des différences telles qui permettent de ne pas les mettre dans le même groupe, on va en faire des espèces, voire des genres différents. Puisque là, dans notre cas, paranthrope et homo, c'est deux genres différents. Alors si on regarde la lignée humaine en général, donc les plus anciens, c'est 7 millions d'années avec Toumaï. Ensuite, vous avez des ardipithèques. Ensuite, vous avez les australopithèques, dont la plus connue est Afarensis lucii, mais il y a plusieurs espèces d'australopithèques. Et ensuite, vous avez les premiers hommes à partir de 2 800 000 ans. Et à l'heure actuelle, on a 28 espèces d'hominines dans notre cadre chronologique entre 7 millions d'années et l'actuel. Lorsqu'un changement climatique survient, la nature a une espèce d'obsession, c'est de la survie. D'où la multiplication des pollens dans une fleur, d'où la multiplication des spermatozoïdes dans une éjaculation, enfin, etc. Et parmi ces éléments qui réussissent, il y a des tentatives d'adaptation, encore une fois au hasard, sélection naturelle. Et les préhumains, donc, vont se trouver face à ce changement climatique et vont s'adapter de plusieurs manières. Il y a certains australopithèques qui deviennent australopithèques dits robustes, qu'on appelle des paranthropes, qui eux ont, dans ces circonstances, vous savez, quand le paysage se découvre, on est beaucoup plus exposé à la prédation, et eux vont avoir une espèce de dissuasion physique à cette prédation. Ils ne vont pas se développer du point de vue cérébral, ils vont se développer du point de vue de la masse corporelle. Il y a eu d'autres espèces, notamment en Afrique du Sud, qui sont encore des australopithèques et qui vont se développer dans le sens d'une meilleure adaptation à la bipédie. En marchant mieux, en marchant plus vite, en courant, ils sont capables aussi de résister à la prédation, d'avoir une réponse à la prédation. Ça va être le cas de celui qu'on appelle Australopithecus sediba en Afrique du Sud. Et puis l'humain, qui est une petite forme à gros cerveau. Et c'est lui qui va ensuite avoir la destinée la meilleure, parce que, par chance, il aura ce développement du système nerveux central qui va être si important qu'il va passer probablement un seuil qui fait qu'au lieu de savoir beaucoup de choses comme Lucie, il va savoir qu'il sait, et sachant qu'il sait, il va pouvoir anticiper. Et au lieu d'utiliser un caillou ou un bout de bois, il va pouvoir aménager son caillou ou son bout de bois, enfin, etc. Ce que fait un peu le singe. Et en ce sens, c'est intéressant de voir qu'entre ces gens-là et nous, les humains, il y a un passage qui est très discret. Longtemps, en effet, le problème a été autour des caractères anatomiques liés à l'humain, qui semblaient évidents. Un plus gros cerveau, des dents notamment de taille réduite, notamment sur l'arrière, deuxième, troisième molaire, une face un peu plus en retrait, tout ceci semblait d'une grande évidence, mais plus on a eu de fossiles, plus on s'est aperçu qu'on était confronté à un problème qu'on appelle l'évolution en mosaïque, c'est-à-dire que les caractères se présentent non pas d'un seul coup avec une grande cohérence, mais avec des états différents selon les mêmes fossiles. Donc c'est compliqué les choses, mais la vie c'est ça, la vie c'est de la diversité, donc on y est confronté. Quand on a peu de fossiles, c'est facile, quand on a de plus en plus, c'est plus compliqué. La deuxième chose, c'est que comme on avait des difficultés avec l'anatomie, on a eu tendance à avoir recours à des caractéristiques aujourd'hui qui sont évidentes dans la nature actuelle. Aujourd'hui, il n'y a pas de difficulté pour distinguer entre un homme, un sapiens donc, ou une sapienne, et un chimpanzé, bonobo ou gorille. Mais quand vous allez vers 5, 6, 7 millions d'années, vous remontez le temps, bien sûr, les différences sont beaucoup moins accentuées, et à partir de là, donc, on passe de caractères très discrets à des caractères dont les expressions sont beaucoup plus limitées, en tout cas moins franches. Donc ça, c'est normal, c'est tout à fait logique, il n'y a pas de contradiction par rapport à cela. En ce qui me concerne, l'humain, ce n'est pas l'outil, parce qu'on sait maintenant que, par exemple, les premiers outils de pierre taillés remontaient du temps de Lucie, hein, 3 500 000 ans, l'homme équi. Pour moi, je pense que c'est la coévolution. Ça veut dire que notre physiologie, notre biologie et nos capacités cognitives vont codépendre de la création de nos espaces techniques et culturels. Et cette coévolution est tout à fait particulière, elle est bien décrite depuis quand même maintenant une trentaine, quarantaine d'années, mais maintenant on la connaît de mieux en mieux. Je donnerai qu'un seul exemple. L'invention du feu. Le feu a permis la cuisson. La cuisson, c'est une prédigestion. Or, ce n'est pas que pour la viande crue se digère très bien, c'est surtout que ça permet de détoxifier et d'attendrir les nourritures végétales, ce dont a plus besoin le cerveau d'ailleurs en l'occurrence, en raison des nutriments et des calories apportées. Amélie Vialet, paléoanthropologue. Donc le fait qu'à un moment de son histoire, l'homme ait réussi à maîtriser le feu, c'est bien évidemment un facteur qu'on appelle d'hominisation très très important. En tout cas, c'est évidemment une mécanique qui va engendrer énormément de conséquences sur l'évolution humaine, puisque la maîtrise du feu, ça va être la capacité de cuire les aliments. Et que cuire les aliments, ça va jouer sans doute dans le sens de graciliser l'appareil masticateur, de réduire les dimensions des dents et donc de l'ensemble de la face. Et là, il s'est passé quelque chose de très particulier. notamment au niveau de la grossesse. Jusqu'à l'apparition des premiers humains, hommes et femmes, bien évidemment, ce sont les Homo erectus, il y avait une corrélation très forte entre la taille du cerveau adulte, la taille du nouveau-né et la durée de la gestation. Et ce verrou va sauter grâce à la coévolution vers 2 millions d'années avec l'invention donc du feu et de la cuisson, une fois de plus, mais il y a d'autres outils. Et de ce fait, il va y avoir une transformation énormissime dont on paye encore aujourd'hui les conséquences. C'est-à-dire que normalement, la grossesse dans notre espèce devrait durer jusqu'à à peu près 18 mois, 20 mois. Mais là, très clairement, il y a eu un conflit entre l'anatomie du bassin, donc l'évolution biologique, parce que le propre de l'homme aussi, enfin des premiers humains, c'est cette bipédie extraordinaire qui est la nôtre, qui va apporter des transformations du bassin, notamment du petit bassin, qui va malheureusement restreindre le passage de la tête du nouveau-né. Et d'un autre côté, pour des raisons coévolutives, cette fois liées à nos environnements culturels et techniques, eh bien la tête de bébé va grossir. Et là, il va y avoir un conflit, c'est ce qu'on appelle le dilemme obstétrique. Et depuis cette époque-là, et c'est terrible ce que je veux dire, on appelle ça un fardeau de l'humanité, les femmes qui, par variation biologique, donc darwinienne comme on dit, avaient des grossesses un peu plus longues, ben, mouraient en couche, et aujourd'hui, il y a encore des difficultés. Et donc là, vous voyez, le propre de l'humain, c'est un ensemble de facteurs coévolutifs, biologiques, la bipédie incontestablement, le gros cerveau, mais également qui vont complètement transformer tous les aspects de la vie, du développement, puisque par exemple, le petit humain, après la naissance, va poursuivre une croissance comme in utero pour son cerveau, mais extra-utéro. Et tout ceci va constituer un ensemble de facteurs, donc un package humain, pardonnez-moi pour l'expression, qui va avoir des conséquences absolument énormes, puisque à partir de là, les Homo erectus vont quitter l'Afrique, ils vont bien sûr s'installer dans toute l'Afrique, hein, c'est une évidence, mais en Europe et en Asie, et nous allons avoir une espèce et des espèces qui vont descendre d'Homo erectus avec une puissance écologique comme jamais auparavant, parce que nous sommes les seuls à nous installer dans tous les écosystèmes. Donc voilà cet ensemble de facteurs qui fait l'humain, et bien sûr le langage qui est avec cela, parce que très clairement, ce qui fait l'humain, c'est avant tout l'absolue nécessité, avec tous ces facteurs, d'inventer des médiations symboliques avec le monde. À partir de quand des primates non humains, Louis-Jean Boé, ou les primates humains, linguistes et chercheurs en sciences de la parole, ont commencé à utiliser leur conduit vocal autrement que pour sucer, mastiquer et déglutir? C'est ça la question fondamentale. C'est-à-dire que, en fait, on utilise pour parler des organes, les lèvres, la langue, la mandibule, le larynx, les poumons, qui n'ont pas été dévolus par l'évolution pour parler. On les a détournés, on les détourne constamment, en même temps que ces fonctions vitales de respiration, par exemple, sont assurées. Ce phénomène qu'on appelle l'exaptation, c'est-à-dire la possibilité d'utiliser des organes pour autre chose pour lesquels ils ont été prévus par l'évolution, par exemple les papillons que l'on voit voler maladroitement, utilisent leurs ailes, qui sont en principe des panneaux solaires qui leur permettent de se réchauffer, pour voler. Eh bien nous, nous avons détourné les organes dont je vous ai parlé pour parler. Mais bien évidemment, il y a toute la partie cerveau qui intervient. C'est-à-dire qu'il y a d'abord toute la partie contrôle moteur de ces organes. Mais bien évidemment, la parole est sous-tendue par tout un système cognitif qui permet de combiner des sons en syllabes et des syllabes en mots et des mots en énoncés. Et toute cette partie cognitive qui constitue le langage est évidemment nécessaire pour arriver à produire des phrases qui ont un sens. Et la question fondamentale, c'est est-ce que c'est l'homme seul qui a opéré cette exaptation? Et ne trouve-t-on pas dans le fonctionnement des vocalisations, dans la production des vocalisations des singes, ne trouve-t-on pas des traces effectivement de ce détournement? Alors à partir de ça, évidemment, on sait que les singes ne parlent pas au sens ou n'utilisent pas une quantité de sons pour faire des mots et une quantité de mots pour faire des phrases. Par contre, on va observer qu'ils utilisent des sons différenciés pour les associer à des situations éthologiques différentes, réalisant ainsi une communication où un son est attribué à un sens. Comme on peut imaginer, sur le plan biomécanique, le redressement du corps, c'est quelque chose de tout nouveau et de considérable. Mettre le corps debout, imaginez, enfin, je sais pas, un petit chien, un petit chat, regardez toute la différence. Le redressement du corps, c'est la tête posée différemment sur la colonne vertébrale. Ça déverrouille d'ailleurs le crâne au point que ça permet plus tard le développement du cerveau. La colonne vertébrale qui, elle, s'installe dans un certain nombre de courbures, dans quatre courbures essentielles, cervicales, thoraciques, lombaires, sacrées, et qui font l'équilibre aussi du corps, il faut que ça tienne debout. Hein. Et pour moi qui ai un certain âge, je me rends compte que se mettre debout, c'est quelque chose. Quelle idée de s'être mis debout à 10 millions d'années. On arrive au bassin. Or, nous, mettez-vous debout, votre bassin supporte une grande partie de votre corps, il supporte tous les organes. Et c'est ce qu'on appelle un bassin en pression. C'est-à-dire que ce bassin, il va devenir beaucoup plus court et beaucoup plus large. On arrive aux membres inférieurs. Ce sont eux qui, bien sûr, vont s'installer dans la bipédie, mais petit à petit, hein, s'installer dans la marche plus longue, notamment dans la course. Tandis que les membres supérieurs vont rester extrêmement arboricoles. Ah oui, l'image qu'on avait avant, en effet, du singe qui se redresse en sortant de la savane et qui allait donner après Homo erectus puis Homo sapiens, ça c'est vraiment une image qu'on essaye de doter de l'esprit du public et de tous, parce qu'on est vraiment dans un schéma vraiment différent. Déjà, l'émergence de la bipédie, c'est pas lié à la savane, puisqu'on se rend compte qu'il y a également des bipédies très antérieures et dans des systèmes plutôt forestiers. Et on n'est plus du tout dans ce schéma linéaire et entre guillemets gradualiste et un peu qui va vers quelque chose, d'ultime. On n'est plus du tout dans ce schéma-là. Après, un critère maintenant qu'on prend en compte pour définir l'humain, avant on parlait de bipédie, mais maintenant on pense que c'est plutôt la course qui permet de définir l'humain. Et donc à partir d'Homo habilis et surtout Homo ergaster, on a des évidences, il y a des modélisations qui ont été faites pour montrer qu'il était capable de marcher sur de longues distances et de courir. Et donc on considère maintenant que c'est sans doute un critère, en tout cas meilleur que la bipédie, puisque la bipédie date de 7 millions d'années, pour définir l'humain. Comment est-ce qu'on peut différencier un homme d'un australopithèque? À partir de quand on détermine vraiment ces premiers homos? Mais voilà, il me semble qu'à partir du moment où on a une bipédie qui est permanente, qu'on a un volume endocrânien qui commence à vraiment se développer, qu'on passe à un mode d'alimentation sans doute mixte, mais en intégrant un petit peu plus de viande, de protéines, et que forcément on vit en groupe et qu'on modifie son environnement, parce que tailler des pierres finalement c'est ça, c'est-à-dire que c'est prélever quelque chose de son environnement, le transformer et l'utiliser pour une idée qu'on avait en tête totalement anticipée. Donc je pense qu'une fois qu'on a tout ça qui est en place et qu'on en a la preuve d'un point de vue archéologique, on peut considérer qu'on est rentré dans le genre homo. Nom latin. Homo habilis. Nom d'usage. Et bien alors, si on traduit, c'est l'homme habile. Période de vie en années. Alors, donc, le plus ancien, vraiment Homo habilis, c'est 2 millions d'années. Si on prend Lady Guerrero, donc c'est le premier humain, mais on ne sait pas quelle espèce, ça serait 2,8 millions d'années. Et les plus récents, on est aux alentours de 1,4 million d'années. Taille moyenne. Alors là, ils sont relativement petits, puisqu'on considère qu'ils faisaient à peu près 1,20 m. Taille du cerveau. Donc là, on est autour de 500-800 cm3. Répartition géographique. Les Homo habilis ne sont présents qu'en Afrique, mais à la fois en Afrique de l'Est et en Afrique du Sud. Particularité. Sa particularité, donc, c'est confectionner ce qu'on appelle les outils Old Hawaiian. Donc, sa particularité, que ce sont les premiers hommes, nos plus anciens ancêtres. Est-ce que c'est l'outil qui fait l'humain? Pas tout à fait, puisque des études récentes montrent en fait que d'autres animaux sont capables de fabriquer des outils, bien évidemment. Marie-Hélène Moncel, archéologue préhistorienne. Mais peut-être ce qui fait la caractéristique de l'homme, c'est la capacité de transmettre des outils, de faire des comportements complexes, d'organiser ces manières de tailler et de transmettre ces manières de tailler. Qu'est-ce que disent les outils sur les humains qui les ont réalisés ? Ils disent que l'homme a toujours trouvé des moyens de s'adapter et de contrecarrer ses faiblesses, en quelque sorte. On n'a pas de griffes, on n'a pas de crocs. Donc, en fait, l'outil, très vite, dès 3 millions d'années, puisque maintenant on a la preuve de première forme d'outil à 3 millions d'années, ont servi à donner une sorte de prolongement de la main, c'est-à-dire on va créer des bords tranchants qui vont permettre de casser des os, de découper de la viande, de travailler différents végétaux. Et donc ces outils ne vont cesser de se complexifier pour être plus diversifiés, pour répondre à tous les besoins des activités. Donc c'est en quelque sorte un prolongement de la main, c'est-à-dire qui palline nos faiblesses et nos incapacités face au monde animal. Moi, ce qui m'intéresse de travailler sur les hominidés antérieurs à l'homme moderne, c'est qu'en fait, on est face à des mondes extraterrestres, entre guillemets, extraterrestres. Il y a des mondes qui ont disparu à l'heure actuelle, puisque actuellement sur Terre, il ne reste que des Homo sapiens. Et ce qui m'intéresse, c'est de voir avec des hominidés, avec des cerveaux différents, qui avaient donc des conceptions du monde qu'on ne pourra jamais imaginer, on ne pourra jamais être dans leur cerveau, quelles stratégies ils ont utilisées, quelle cohérence de leur monde ils ont utilisées pour survivre dans des environnements spécifiques. Ce qui est intéressant en Europe, c'est qu'on est loin des steppes africaines, là où il y a l'origine du genre homo. Ces hominidés, à un moment donné, ont quitté l'Afrique, se sont adaptés à d'autres milieux, d'autres paysages, d'autres espèces animales, dans des milieux avec des saisons, par exemple entre le sud et le nord-ouest de l'Europe. Et ils ont toujours trouvé des stratégies pour s'adapter. Alors que ce soit des stratégies avec des outillages, donc ils vont s'adapter aux matières premières, ils vont fabriquer des outils, ils vont perdre certaines acquisitions, ils vont acquérir d'autres types d'outils. Ils vont aussi trouver d'autres solutions, par exemple dans la gestion des territoires, ils vont être plus ou moins mobiles, ils vont être capables de s'adapter, de trouver des endroits où ils vont trouver de la matière première, des gibiers. Par exemple, dans ces sites de 700 000 ans, on sait que le charognage était sans doute une énorme partie de leur activité. Ils allaient là où il y avait des carcasses d'animaux morts naturellement, ou morts par des animaux, des grands carnivores, et ils venaient charogner d'une manière très active pour survivre. Donc ils ont toujours trouvé plein de solutions pour s'adapter. Ce qui m'intéresse, c'est trouver la cohérence et de ces mondes perdus, en quelque sorte, et de voir comment ils ont réussi à survivre. On dépend de ces hominidés, et on serait plus là si ces hominidés n'avaient pas trouvé des stratégies, que ce soit l'outillage ou autre chose, pour survivre dans des milieux extrêmement diversifiés. Ce qui caractérise l'être humain, en fait, c'est aussi sa grande curiosité. Il a toujours voulu aller plus loin, aller voir ailleurs. C'est sans doute pour ça qu'on pense qu'à certains moments, ils ont été capables de traverser des bras de mer, alors que la navigation, apparemment, n'est pas connue, d'après les indices qu'on a. Parce que c'est sa curiosité infinie pour aller voir ce qui se passe ailleurs. Et il a toujours repoussé ce qu'on appelle les marges de l'œcumène, c'est-à-dire les zones viables pour les êtres humains. Et en repoussant ces marges, il a dû trouver des solutions pour s'adapter, dont les outils, mais pas que les outils. Donc ce qui caractérise l'homme plutôt, c'est la flexibilité et la variabilité de ses capacités d'adaptation à des environnements extrêmement variés. Nom latin. Homo erectus. Nom d'usage. Homo erectus, sensu lato, sens large, sensu stricto, sens strict. Période de vie en années. Ils apparaissent autour d'1,8 million en Afrique, les Homo erectus. On les connaît en Asie, enfin en Afrique et en Asie. Et ils disparaissent, par exemple certains, en contexte insulaire, ils disparaissent autour de 100 000 ans. Taille moyenne. 1,70 m, 65-70 m. Après, si on considère par exemple le spécimen de Nario Kotome en Afrique de l'Est, qui est un adolescent qui n'a pas terminé sa croissance, mais on a proposé que sa taille soit entre 1,70 m et 1,80 m, donc qu'il soit finalement de stature assez élevée. Taille du cerveau. Donc les Homo erectus entre 800 et 1000 cm3. La première sortie d'Afrique, donc c'est avant 2 millions d'années, et les vestiges qu'on a, les premiers humains hors d'Afrique, donc c'est dans ce site en Géorgie de Dmanisi, et donc qui date de 1,8 million d'années. Donc on voit que l'humain est sorti très tôt d'Afrique, hein, avant 2 millions d'années, mais il faut voir qu'il y avait d'autres humains, donc ceux qu'on a vus, Abilis ou Argasser, qui étaient encore en Afrique. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une population qui est sortie d'Afrique, mais d'autres, ils sont restés. Mais qui est sorti d'Afrique alors ? En Géorgie, on l'appelle Homo georgicus, donc c'est une autre espèce, mais on suppose que c'est parmi les Homo habilis ou les Homo ergaster qu'il faudrait trouver le premier humain à être sorti d'Afrique. Il n'y a pas une, mais des sorties d'Afrique à différentes périodes. Donc la plus ancienne, 1,8 million d'années. Après, avec une expansion plutôt vers l'est, parce qu'il y a beaucoup de sites aussi en Chine, très anciens, même en termes de lithique, même plus anciens qu'1,8 million d'années. Et après, il y a sans doute une autre expansion après 300 000 ans, sans doute une autre aussi vers 600 000 ans. Donc là, en fin de compte, ça dépend des données, soit des données archéologiques qui vont nous indiquer ces différentes sorties, soit aussi des données génétiques qui vont pouvoir aussi nous montrer qu'il y a cette expansion. Mais il faut voir ça comme un phénomène dynamique, avec différentes sorties, éventuellement des entrées aussi en Afrique, puisqu'il peut y avoir des mouvements d'Europe ou d'Asie vers l'Afrique. Donc c'est quelque chose d'assez buissonnant, d'assez compliqué, et il ne faut pas voir ça comme une histoire linéaire, où on l'a appris souvent comme quelque chose d'assez linéaire. Là, on est quelque chose dans buissonnant, dynamique, avec différentes flèches un peu dans tous les sens. Que ces humains se sont installés ici? Oui, parce que déjà ils ont un bel observatoire. On est à 80 mètres au-dessus de la vallée. C'était 15 mètres de moins il y a 450 000 ans. Christian Perrineau, géologue. Ce qui est intéressant dans cette vallée, c'est évidemment qu'il y a un accès à l'eau. Cette vallée est ceinturée de falaises. C'est vraiment des murs de falaises qui, à certains endroits, font 100 mètres de haut. Et donc, des animaux de rochers vont traverser facilement. Par contre, des troupeaux, plus difficilement, et surtout des animaux qui, d'habitude, ne vont pas circuler, donc, ne pourront pas franchir donc, des corniches, comme le cheval, surtout, le renne, le bison également. Donc il y a certaines espèces où les chasseurs en fait, de la Côte de l'Arago vont bien entendre les troupeaux arriver et vont savoir que s'ils les essaient de les cantonner à une partie de la vallée, les animaux ne pourront pas s'échapper parce qu'ils ont une falaise derrière. Ce sera a priori une chasse au contact après pour certains grands herbivores. Vous, Henri Delumelay, vous avez découvert en quelque sorte le premier Français, le crâne du plus vieil Européen, et c'était en France, à Totavel. Oui, c'est l'homme de Totavel qui a été découvert dans la grotte qui s'appelle la Cône de l'Arago. En juillet 71, il y a 5 ans à peine. Et justement, ce crâne a été découvert sur un sol d'habitat. Il avait été brisé, la partie postérieure du crâne avait été arrachée, enlevée, et le crâne reposait sur la voûte, le maxillaire supérieur en l'air. Et il était arraché comme si on avait voulu en extraire le cerveau. Et tout se passe comme si ce crâne était un déchet culinaire, au même titre que les autres ossements d'animaux. Et on peut se demander si l'homme n'a pas voulu consommer le cerveau d'un de ses semblables, d'un de ses contemporains. Et peut-être dans un but religieux, peut-être dans un but métaphysique. Alors nous sommes dans la grotte de Totavel, qu'on appelle la Cône de l'Arago, sur la commune donc de Totavel. Amélie Vialet. C'est une vaste cavité, comme vous pouvez vous en rendre compte, et qui présente un remplissage archéologique très puissant, comme on dit, c'est-à-dire sur une grande hauteur, puisqu'il a été estimé à peu près une quinzaine de mètres de haut. Donc cette grotte, elle est assez vaste, haute, elle fait une trentaine de mètres de long sur une vingtaine de mètres de large. Elle n'est pas dans son état, évidemment, d'origine. Elle n'est pas telle que les préhistoriques l'ont fréquentée. On peut visiter ? Allons-y. Alors au passage, regardez bien sur le sol archéologique qui est en cours de fouille. Qui est donc le sol le plus ancien aujourd'hui fouillé. Hein. Vous notez énormément de matériel archéologique. Hein. Il y a de très nombreux ossements. Certains, vous pouvez les identifier parce qu'ils sont bien conservés. D'autres sont très fragmentaires. Ils ont souvent été fracturés par l'homme lui-même, qui a cherché à récupérer, par exemple, sur les eaux longs, cherché à récupérer la moelle. Et puis, vous avez aussi quelques industries lithiques, quelques pierres taillées qui ont été abandonnées là avec ces reliefs de repas. Qu'est-ce qu'on voit sur cette paroi là, ici là ? Alors, on est sur la coupe témoin, donc coupe verticale, qui vous permet justement d'observer différents niveaux. Vous les distinguez en fait, ces niveaux, de l'un à l'autre, parce que ce sont des concentrations de matériel archéologique qui sont séparées par des petits niveaux dans lesquels on n'a pas de matériel, qui permettent de distinguer les différentes phases d'occupation par l'homme. Parce que cette concentration d'objets, ce sont des objets apportés par l'homme. Donc on a des restes d'animaux. Là, vous observez des olons. Là, ce sont des olons qui sont d'ailleurs certains fracturés. Ça, c'est une cheville osseuse ou un fragment de bois de cervidé, peut-être. Vous observez aussi des dents ici, des dents peut-être de bovidés là-haut. Et puis quelques os qui sont un peu plus compacts et qui sont plus complets. Donc voilà, c'est ce qu'ont laissé les préhistoriques sur place lorsqu'ils ont occupé la cavité et qu'ils sont arrivés en fait avec les animaux qu'ils avaient chassés et que donc ici ils vont dépecer, désarticuler, consommer sur place. Ils ont besoin pour ça d'outils qu'ils peuvent réaffûter éventuellement. Et donc tout ça reste en place lorsque les hommes partent. Et le sédiment qui arrive dans la cavité par le vent ou bien par le ruissellement va venir déposer une petite pellicule qui va sceller ce niveau d'occupation par l'homme. Et ici, à Totavel, on a 55 niveaux qui ont été identifiés. Et parmi ces niveaux, ces différents sols d'occupation, il y en a une quinzaine qui a révélé des restes humains. Ça veut dire que les restes humains sont, au même titre que les ossements d'animaux ou les pierres taillées, sont laissés sur place. Alors là, on est autour de 450 000 ans. Donc l'homme de Totavel, celui qu'on connaît le plus, le mieux, c'est celui qui date de 450 000 ans. C'est-à-dire qu'on est devant des poubelles qui ont 450 000 ans, c'est ça en gros ? Oui, donc en gros, c'est un peu ça. On est sur des espèces de poubelles d'il y a 450 000 ans. Ce sont des hommes qui sont mobiles, qui sont nomades. Donc, ils ne s'encombrent pas de ce qu'ils vont pouvoir retrouver ailleurs. Ni même des restes humains. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de tradition funéraire ou ils considèrent les humains morts, leurs congénères, comme des restes d'autres animaux. Alors, la question des restes humains dans ce contexte, on va dire de dépotoir, le terme n'est pas très élégant, mais c'est un peu l'idée. Ça pose vraiment question, parce que c'est loin de nous, c'est loin de nos pratiques, évidemment. La question, c'est donc d'essayer de voir si les restes humains ont subi le même traitement que les restes d'animaux, parce qu'auquel cas, la conclusion, c'est que, comme les animaux, ils ont été consommés. Ça peut être aussi de voir si on a les mêmes traitements de gestes de boucherie, parce qu'on peut voir comme ça s'ils ont considéré les hommes comme les animaux, au point d'avoir les mêmes gestes, les mêmes techniques, ou si justement il y a quelque chose de spécial. Alors, à l'argot, ce n'est pas évident de le mettre en évidence, justement, de l'argumenter, parce que pour les restes humains, on a beaucoup d'éléments, justement, de crâne, mandibule, on a quelques os longs, un petit peu du bassin, et c'est tout. Alors que sur les carcasses animales, on a souvent une représentation du squelette osseux beaucoup plus complète. Et c'est quoi votre théorie alors du coup ? Alors avec les différents membres de l'équipe, chacun apportant sa spécialité, on considère que justement, dans ces niveaux, on a des restes humains. Certains restes humains ont subi le même traitement que les carcasses, que les animaux, dans le sens où on a des fracturations sur os frais, où on a des stries de découpe à des endroits bien particuliers. Et où, manifestement, pour l'homme, on a une sélection aussi des parties anatomiques qui sont les plus charnues, entre guillemets, puisque dans la boîte crânienne, vous avez le cerveau, les mandibules, vous avez la langue, tout ce qui est pelvis, bassin, vous avez les muscles fessiers. Voilà, donc on a l'impression qu'il y a une sélection de ces parties peut-être les plus nutritives. Ça pourrait nous amener vers une conclusion d'un cannibalisme alimentaire. Après, finalement, on se dit aussi, étant donné le nombre de restes d'ossements d'animaux, de carcasses ici consommées, on se dit que ces petits groupes ne manquaient pas en fait, de ressources alimentaires. Donc peut-être que ce cannibalisme, il a une autre fonction, donc soit en effet gestion un petit peu des morts, donc fonction mortuaire, soit ce cannibalisme, il a une fonction rituelle, symbolique. Évidemment, on ne peut pas trancher, mais c'est quand même très intéressant d'avoir mis en évidence cette pratique ici à l'Arago à 450 000 ans. Mais elle est connue dans beaucoup de sites, notamment si on veut remonter le temps à Grandolina, à Tapuerca Grandolina, à 850-900 000 ans. Donc vous pensez que finalement, être cannibale, manger ses semblables, finalement, c'est un comportement tellement humain ? Ben, si le cannibalisme est plus documenté et plus fréquent chez nos populations anciennes, peut-être qu'il faut y voir là une pratique un peu symbolique et qui en effet du coup appartient à cette sphère symbolique, totalement culturelle, qu'on connaît bien chez l'homme, qu'on commence un peu à découvrir chez les primates non humains, mais qui ne nous semble pas aussi élaborée. Après, il y a quand même quelques sites, notamment El Cidron, par exemple, qui est beaucoup plus récent en Espagne, attribué aux Néandertaliens, où là, on a l'impression d'être vraiment sur un cannibalisme alimentaire. Ça existe aussi. Et je crois que c'est quand même important de rappeler que l'homme, c'est vraiment de la biologie, ça c'est sûr, mais c'est surtout de la culture. Et c'est toute cette complexité, d'ailleurs, de l'homme. Et pour nous, paléanthropologues, parce que nous, on peut toucher la biologie, mais l'aspect symbolique, l'aspect culturel nous échappe quand même en grande partie. Donc finalement, est-ce que vous pouvez me dire qu'être un humain, c'est aussi être capable de manger ses congénères ? Oui, je pense qu'on peut considérer que peut-être c'est propre à l'homme. En tout cas, ça s'inscrit dans ces pratiques extrêmement symboliques, extrêmement connotées, extrêmement contraintes culturellement, qui sont propres à l'homme. Nom latin. Homo heidelbergensis. Nom d'usage. Homo heidelbergensis. Période de vie en années. Alors ça dépend de la définition qu'on donne à Homo heidelbergensis. Mais on va dire que si on considère que c'est une espèce eurasiatique, on est entre 600 000 ans et 200 000 ans. Date d'extinction. Alors est-ce qu'il y a extinction réelle ? Parce que les Homo heidelbergensis sont considérés comme donnant naissance à la lignée néandertalienne. Donc il y a peut-être plutôt une transformation évolutive en néandertalien. Donc peut-être autour, ces néandertaliens émergent dans leurs caractéristiques très typiques autour de 120 000 ans. Taille moyenne. Alors Homo heidelbergensis, si on prend par exemple les fossiles de la cône de l'Arago à Totavel, on a calculé qu'on est autour de 1,65 m, 70, quelque chose comme ça. Taille du cerveau. Donc autour de 1000 cm3. Répartition géographique. Alors selon la considération, la définition qu'on a pour les heidelbergensis, Europe, Asie, plus ou moins l'Afrique. Particularité. Eh bien c'est que c'est une espèce qui fait débat dès l'origine, qui est très compliquée, très discutée, parce que sa définition c'est à partir d'une mandibule, la mandibule de Maurer. Et que donc après, pour ce qui est crâne, post-crânien, évidemment c'est compliqué. Marie-Hélène Moncel. Énormément d'informations nous échappent, toutes leurs pensées, toutes leurs peurs, tout leur rapport à leur environnement, la manière dont ils percevaient les autres espèces animales, les grands carnivores, puisque Homo heidelbergensis a quand même vécu en même temps que des très gros carnivores qui devaient être quand même des compétiteurs assez féroces. Et eux-mêmes, ces Homo heidelbergensis, quand ils venaient charognés, ils devaient sans doute faire face à ces grands carnivores. Donc il devait y avoir, j'imagine, toute une série de mythes de transmission de génération en génération, comment faire face à ces carnivores, comment accéder le mieux possible à la matière première, à la viande, pour survivre. Donc on peut imaginer toutes les traditions orales qui ont été transmises de génération en génération, dans des moments où le feu n'existait pas, puisque le feu en fait arrive vers 400 000 ans, on va dire. Et là, j'imagine qu'autour des premiers foyers, là où on se protège des carnivores pendant la nuit, donc on n'est plus inféodé au coucher du jour, au lever du jour, lorsque la nuit arrive, les carnivores, on sait qu'ils chassent particulièrement à la tombée de la nuit. Donc quand les premiers foyers sont arrivés, on peut imaginer des groupes humains qui se mettaient autour du feu, qui donnaient de la chaleur, qui permettaient de cuire, qui permettait de se protéger la nuit, de faire face, repousser les carnivores. Et on peut imaginer toutes les traditions, toutes les mythes qui ont dû se créer autour de ces feux, qui sont peut-être encore, pourquoi pas, dans certains de nos mythes. On peut imaginer qu'il y a eu une transmission au cours du temps très très longue de certains rapports à l'environnement, au monde animal, à tout ce qu'on peut imaginer autour de ces feux. Amélie Viollet, c'est quoi un humain ? Ah, vous me prenez au dépourvu. Hein. Parce qu'on sait de moins en moins ce qu'est un humain, c'est ça le truc. C'est que vraiment, on est parti sur des définitions qui étaient rassurantes, le volume endocrânien, la capacité au langage articulé, l'expression artistique, tout un tas de caractéristiques qu'on suivait bien au cours de l'évolution. Et puis, un peu patatras, en faisant de plus en plus de découvertes, on se dit que finalement, ce qui caractérise l'homme, c'est une série de compétences, d'aptitudes, une combinaison bien particulière, mais aucune de ces aptitudes en soi n'est exclusive de l'homme. L'homme de Tautavel, est-ce que c'était un humain ou pas, alors, du coup ? Ben, en revanche, j'ai quand même un peu, mais ça tient de la conviction plus qu'autre chose, l'impression que l'homme est homme, quoi. À partir du moment où émergent ces premiers représentants du genre homo, donc on peut dire en Afrique à 2008, comme aujourd'hui on a pu le mettre en évidence, je pense que toutes les composantes sont là. Parce que l'homme est un être social, donc il va vivre en groupe, donc il va s'organiser, donc il va développer un système de communication. Donc mon idée, c'est que, enfin je pense qu'elle est partagée par beaucoup, c'est que finalement, il y a une différence qui est une différence au cours du temps, qui va être une différence de degré, mais pas du tout de nature. L'homme est homme. Au départ, en effet, sans doute, il n'a pas le langage articulé tel que chez Homo sapiens, avec une syntaxe extrêmement compliquée. Mais il a forcément un système de communication, parce que si on ne communique pas, on ne peut pas transmettre. Or, on voit que chez l'homme, il y a cette histoire de culture cumulative. Au cours du temps, on perd très peu de ces innovations. Au contraire, on ne fait qu'accumuler ces innovations. Donc il faut transmettre, donc il faut évidemment échanger. Et puis, aucune stratégie de chasse, de cannibalisme n'est possible si on n'a pas un système de communication. Donc il me semble que l'ensemble de ces capacités est en place très tôt. Simplement après, voilà, il va y avoir une évolution et peut-être des retours en arrière, parce qu'on voit souvent les choses aller de l'avant. Mais en tout cas, voilà, il y a une différence qui se fera plutôt sous forme de degré d'expression que de nature de ses capacités. Depuis Lucie, qu'est-ce qu'un humain ? Ça, c'est des Indonésies quand même, hein, mais un peu plus avec récent. Yves Coppens, Pascal Pic, Sandrine Pratt, Amélie Viollet, Louis Jean Boé, Marie-Hélène Moncel, Christian Perrineau. Non, il n'a pas tous les caractères Erectus. C'est un Erectus ? Ben, on l'a mis dans les Erectus. Archivina, Sandra Escamez. C'est-à-dire, c'est l'acception large. C'est Erectus sensu lato. Recherche musicale, Antoine Villose. Avec la voix d'Agnès Roux. Il n'y a pas. ça passe aussitôt par l'entrée. Ouais. Merci au Musée de l'Homme, au Musée de Totavel, ainsi qu'à son atelier de moulage, à Vincent Charpentier, Olivia Gesbert et Céline Louzen. Avec cette crête-là sagittale sur le haut du crâne. Prise de son, Georges Tau. Mixage, Claude Niort. Ah oui, c'est l'enfant. Coordination, Perrine Kervran, Marie-Vonne Bolivier. Réalisation, Asia Khalid. Et les premiers hommes. Un documentaire de Franck Bessière. On a Lucie, par exemple, dont on a le squelette ici, tel qu'il est conservé, bien conservé. LSD pour aujourd'hui, c'est terminé. Bibliographie, lien ou pour nous écouter sur le chantier de fouilles, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonne Bolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Et pour nous écouter partout et tout le temps, le podcast, sur l'application Radio France et ailleurs, et pour nous parler, c'est sur Twitter et même sur Instagram. Demain, deuxième épisode, l'humanité plurielle du Paléolithique. Mais en attendant, restez à l'écoute.